Chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Vous écoutez UFO Conscience, l'émission 100% OVNI. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle émission qui, j'en suis conscient, tarde à chaque fois à venir, puisque je le rappelle, UFO Conscience est diffusé maintenant une fois par mois. Mais vous allez me demander pourquoi ne pas faire plus d'émissions comme c'était le cas au début. Bon alors, je vais enfin dévoiler à mes fidèles auditeurs la raison pour laquelle je ne peux pas actuellement faire une émission par semaine. La raison est très simple, je suis l'heureux papa depuis plus d'un an d'une petite fille dont je m'occupe à plein temps. J'ai longuement hésité avant de divulguer cette information car il s'agit de ma vie privée, mais il semblait tout de même important de l'annoncer pour que les auditeurs qui me suivent depuis le début comprennent pourquoi l'émission tourne au ralenti. Surtout que je suis tout seul à gérer, manque de financement en plus, hein. Bien entendu, comme vous l'avez compris, UFO Conscience n'est plus ma priorité, mais ce n'est qu'une question de temps, car j'ai des tas de projets pour l'avenir. Concernant nos invités de ce soir, qui n'ont que des bonnes nouvelles à nous annoncer, il s'agit de Ray Hernandez, que j'avais déjà reçu dans l'émission en 2014, et Robert Davis, professeur à la retraite des neurosciences, qui font partie de la fondation Edgar Mitchell. Ray, qui est l'un des cofondateurs de ce programme de recherche sur les contacts extraterrestres, m'a envoyé un email il y a quelques semaines afin de nous livrer en exclusivité pour la France les résultats de 2 ans d'analyse. On va s'écouter tout ça juste après la pause. Bonsoir Ray, comment allez-vous depuis la dernière fois? All right, good evening Ray, how do you do since the last time you were here? Thank you for the invitation. Merci pour l'invitation. Alors je dis la dernière fois car nous avions déjà fait une émission ensemble en 2014 aux côtés de Marc Gray. Actually, we already performed a show last year with Marc Gray in 2014 with you Ray Hernandez. Yes, I remember. It was very interesting. Oui, je m'en souviens, c'est une émission très intéressante. Avec vous ce soir, un autre chercheur du nom de Robert Davis, qui est professeur à la retraite de neurosciences dans l'État de New York. Together with you and us tonight, Robert Davis, who is a retired professor in neuroscience in the New York State, from the New York State. Oh, it's a pleasure to be here. C'est une joie d'être ici. Donc on va quand même rappeler aux auditeurs ce qu'est votre fondation intitulée le FREE. Avant d'annoncer les résultats de 2 ans de recherche sur le phénomène des ovnis, mais aussi des contacts extraterrestres. All right, so we'll remind to the listeners which, what is your foundation FREE before presenting the results of 2 years of investigation on the UFO phenomenon and ET contacts. Okay. Bob, let me take the lead here and you can go over some of the details. Okay. Sure. Our organization is, the name of our organization is the Dr. Edgar Mitchell. Mm-hmm. Donc le nom de notre fondation est la fondation Dr. Edgar Mitchell. Dr. Edgar Mitchell Foundation for Research into mm-hmm. Extraterrestrial Encounters. Donc le nom complet de notre fondation est la fondation Edgar Mitchell. Consacré donc à la recherche sur les rencontres extraterrestres. Before Dr. Mitchell passed away mm-hmm. several months ago, he authorized in a videotape the naming of FREE after his legacy. Mm-hmm. En fait, quelques mois avant son décès, le docteur Edgar Mitchell a officiellement autorisé, donc, dans une rencontre qui est enregistrée et qu'on trouve sur YouTube, de nommer la fondation avec son nom, en hommage à son travail. Our organization has a board of directors of 5 retired academic professors and 5 lay investigators. Donc notre fondation a un conseil de direction de 5 membres qui sont tous des professeurs universitaires à la retraite, également un conseil de 5 chercheurs qui ne sont pas des docteurs d'université, des docteurs, mais qui sont quand même des chercheurs au sein de notre fondation. Okay. The director of our organization is Dr. Rudy Shields, who is a 75-year-old retired professor of astrophysics at Harvard University. Donc le président, le directeur de notre fondation est le docteur Rudy Shields, qui a 74 ans, qui est à la retraite et qui a été un professeur d'astrophysique à l'université de Harvard. Okay, and what we would like to be able to discuss today is the first comprehensive academic study of UFO contact experiencers in the world. Mm-hmm. Ce que nous voulons présenter ce soir, donc, c'est la première étude globale, donc à l'échelle complète, globale ou mondiale, et étude universitaire, donc du phénomène de l'expérience des contacts extraterrestres. Okay. And two more points in my introduction. First is there is very little to almost no quantitative research data of UFO contact experiencers. D'accord. Et donc deux points supplémentaires que je souhaite préciser dans cette introduction est que jusqu'à notre recherche, il n'existait pas absolument aucune recherche quantitative ou en tout cas de recherche et de résultats quantitatifs sur les expériences de contact extraterrestre. Okay. My last point before Bob can continue is that our research study is being conducted in multiple languages, which is English, Spanish, French, and German. And in the English and language, we have received more than 2,200 responses, and in Spanish we have received 450 responses, and fairly soon we will be launching the French and German surveys. Thank you, Ray. Donc Ray souligne le deuxième point qu'il souhaite souligner avant de commencer, c'est que donc l'enquête a regroupé des études dans plusieurs langues, donc dans le monde anglophone, bien sûr en anglais, mais également en français, également en allemand, également en espagnol. Donc les études en langue anglaise ont eu 2200 réponses. 2200 cas donc qui sont examinés, 450 cas étudiés en langue espagnole, et la fondation s'apprête à commencer les études en français et en allemand. Donc en France, dans le monde anglophone et puis dans le monde germanophone. Ok, très bien. Alors parlons maintenant de vos fameuses conclusions de recherche. All right, thank you, Ray. So you can start as you please now to start presenting the results of your investigation and survey. Ok, Bob and I will take turns. So Bob, if you could comment. Donc, avec Robert. And prior to doing so, I want to emphasize that the field of ufology, in my opinion, is in a serious state of disarray. Alors, je souhaite souligner tout d'abord, c'est Robert Davis qui parle présentement, qu'il considère, il veut préciser d'abord que, de son point de vue, le monde de l'ufologie est dans une situation de profond désordre. You know, despite many decades of study of this phenomenon, which is real, we still don't understand the phenomenon. Malgré plusieurs décennies de recherche dans ce phénomène, qui est un phénomène réel, nous ne comprenons toujours pas ce phénomène. The research by Free is trying to focus on attempting to understand the who, what, and whys associated with the phenomenon. Donc le but donc de la Fondation Free dans son étude est d'élucider quels sont les tenants, les aboutissants vraiment de ce phénomène. We are trying to better understand through our research on people who have conscious recall of contact with UFOs and non-human intelligent beings, the effect it has on them. Donc Robert Davis nous introduit le fait qu'ils cherchent à comprendre dans cette fondation, dans leur travail, dans cette recherche, quels sont les effets précis qui sont induits donc, sur la vie et l'expérience des personnes qui ont eu ces expériences de contact extraterrestre. The only way to understand the phenomenon is to understand how people experience it. La seule manière de comprendre le phénomène en vérité exige de comprendre comment les gens font cette expérience, comment les gens ont l'expérience de ce phénomène. And this is what Free is doing, which nobody else has done. Et en vérité, c'est ce que Free est en train de faire, quelque chose que personne n'a fait jusqu'à présent. And Ray Hernandez has been a significant member and founder of Free to make the results which we are finding realized. Et en vérité, Ray Hernandez a été donc une contribution significative et centrale pour faire connaître effectivement tous les résultats de nos recherches. Let me, Bob, if you don't mind, let me start off with some very broad findings. D'accord, donc je vais commencer avec des découvertes générales, Olivier. Okay. As I said earlier, in the English language, we have had over 2,200 individuals that have completed phase one. Mm-hmm. Donc en langue anglaise, nous avons réuni donc 2200 personnes qui ont participé à cette enquête, à ce sondage, donc au niveau de la phase 1. And almost 1,300 individuals have completed phase 1 and phase 2, which is almost 600 questions. Et donc sur les 2200 personnes donc en langue anglaise, il y en a 1300 qui ont participé à l'enquête de phase 1 et également à la phase 2, et cela correspond à un ensemble de 600 questions. Now again, these are individuals that have seen UFOs and have had contact experiences with non-human intelligence. Donc c'est cela qu'on correspond à des personnes qui non seulement ont vu, ont observé des ovnis, mais qui ont également eu un contact personnel, une expérience personnelle avec des êtres, des entités non humaines. Okay. Now, the results I'm going to be reading now are from phase 2, which are the individuals that have had the very detailed and prolific experiences. Donc les résultats que je vais présenter maintenant concernent la phase 2. Donc ça correspond à des personnes qui ont eu une expérience, un témoignage très détaillé de rencontres, d'expériences ET. Okay, Ray. Okay, now let me go with some of the statistics now. And I will be asking questions, I'll be stopping, and then giving you the results. D'accord, donc je vais maintenant donner des exemples concrets donc, de statistiques, les questions et les réponses et les résultats. We asked a general question: have you ever seen a non-human intelligent being as a result of sighting a UFO? Première question: avez-vous déjà vu une entité non humaine suite à l'observation d'un ovni? Okay. And we had 650 people saw an ET upon seeing a UFO. Donc la réponse c'est que 600 personnes ont répondu qu'ils ont vu un ET, un extraterrestre, après avoir vu un ovni. Okay. Then we asked the question, how many people have seen these different types of ETs? Ensuite, la question suivante a été combien de personnes ont vu donc différents types ou différentes races d'extraterrestres. Okay, 729 people answered this question. 729 people answered. Yes. Donc yes. 725 personnes ont répondu à cette question. Okay. The number one type of being saw, which is 55%. Excuse me, 55% is what? The number one type of being that people saw, which is 55%, is an energy being. Donc, parmi ces personnes, donc, le type d'entité numéro un que les personnes ont observé, qu'ils disent avoir observé, donc ça correspond à 55% des réponses, et c'est une entité de type energy being, you say, Ray? Energia, yes, energy. Oui, donc une entité de type énergie. C'est-à-dire un être de lumière. So a light being, how would you describe it? Yes, that would be in that. Yes, correct. Yes. Mm-hmm. Oui, on peut dire comme ça, Olivier. The number two type of being is the human-looking being, at 54%. 54%. Yes, the human being. Donc le deuxième type d'extraterrestre qui est désigné donc dans ce sondage, dans les réponses, qui correspond à 54% donc des réponses, c'est un extraterrestre de type humain. Okay. Then the short grays are seen by 51% of individuals. Maintenant, les petits gris sont observés par 51% des personnes. Okay. Now for phase one, we had very similar results, but for phase one, it was 1,100 people that had seen ETs. Donc dans la phase 1, nous avions eu des réponses similaires, mais dans la phase 1, nous avions quand même 1,100 personnes qui avaient fait l'expérience, qui avaient vu un extraterrestre. Okay. The reptilians were very small percent. The reptilians was only 15%. 15%. Mm-hmm. Donc, that was for phase one, Ray? For phase one and phase two, the reptilians were only seen by 15%. Ah, d'accord. So that's a number four type being. Actually, the tall grays were seen by 27%. 27%. The tall grays. Donc, il y a également d'autres types donc d'êtres. Donc, les tall gray, les grands gris, sont observés par 27% des personnes. Et ce sont mes préférés, ceux-là. Ouais, et les petits gris par 15% des personnes. Okay. D'accord. Et te parler des reptiliens. Ah non, là, c'est les reptilians, excuse-moi. 27% pour les grands gris et 15% les reptilians. Yeah, so the point that I want to come across is that if you go to the internet, you would think that the vast majority of contact is with the short grays. But in actuality, the number one type of experience is with the human-looking ETs. Ok. Les gens qui naviguent sur Internet vont croire que la plupart des rencontres se font avec des petits gris, mais en vérité, une grande majorité des rencontres, des expériences sont faites avec des êtres d'apparence humaine. Okay. Now I'm going to be asking the question, and I'm going to be giving you the answer. Okay. So can you write it down so I don't have to stop back and forth? Okay. Okay. Let's give it a try. If you could stop your ET contact, would you stop them? And if you could stop them, would you stop them? Mm-hmm. Now. Only 16% said, please stop them. 84% no, keep them going. Ok, donc maintenant, Olivier, Ray nous présente certains résultats de statistiques, d'accord? D'accord. Alors, donc, une question, si vous pouviez arrêter l'expérience contact extraterrestre, est-ce que vous l'interrompriez? Alors, 16% des personnes disent, oui, je voudrais interrompre l'expérience, et 84% des personnes disent, non, je ne voudrais pas interrompre l'expérience. Okay. Only 9% of the individuals believe that the ETs are evil or bad. Only 9%, that's it. En vérité, simplement 9% des personnes pensent que les extraterrestres sont mauvais ou méchants. Okay, these last two questions were based on 900 people. Les deux dernières questions donc ont été posées à 900 personnes. Okay. We asked the questions: did the ET contact experience change your life in a negative or a positive way? Mm-hmm. Okay. Okay. Now, these you might have to write them down. Okay. Yeah. Yeah. Highly negative. Only 4%. Only 4%. Yes. Slightly negative. A little negative. Yes. 7%. Mm-hmm. Neutral. Neutral. 17%. Neutral. Mm-hmm. Neutral. 17. 17. Yeah. Slightly positive. 22%. Yes. Very positive effect mm-hmm. on changing your life. So it mm-hmm. changed your life. Mm-hmm. And it's very positive change in their life was mm-hmm. 50%. 50%. Yes. That's okay. Right? Thank you, Ray. Alors, Olivier, donc les résultats donc, pour la deuxième type de question, deuxième série de questions. La question, c'est, diriez-vous que votre expérience a été négative ou positive? D'accord. Donc, très négative, plutôt négative ou neutre, ou bien plutôt positive ou très positive. Donc, très négatif, 4%, légèrement négatif, 7%, Olivier, neutre, 17%, expérience plutôt positive, 22%, et une expérience très positive qui a changé leur vie, donc dans un sens positif, 50% des réponses. Ce qui est énorme. Voilà. Ray, we go on. Yes. So, in summary, 11% of the people view their experiences as negative. Only 11%. And it was 897 people that answered that question. D'accord. Donc, ce sondage a été conduit sur plus de 800 personnes. Et donc, selon les résultats, Olivier, on voit qu'il y avait simplement 11% des personnes qui décrivent l'expérience comme négative. Et 91% des personnes la décrivent comme ayant été positive. Okay. Si on fait le compte. And now, okay. Bob, can you continue with some other thematic areas? Sure. related to this very interesting result that Ray shared is that over 90% agree that non-human intelligent beings are from other planets or dimensions and are here with us. Mm-hmm. Un des aspects intéressants donc dans les résultats que vient de présenter Ray est que parmi ces sondages donc 90% des personnes admettent que des êtres non humains sont parmi nous, se trouvent parmi nous. And over 84% contend that they have communicated with a non-human intelligent being. Et par ailleurs, 85% de ces personnes affirment qu'elles ont communiqué avec des êtres intelligents non humains. And the vast majority say that this form of communication was telepathic in nature. Et la grande majorité de ces personnes, ces témoins, donc affirment que la communication était de nature télépathique. Yes. Mais alors, ce qui ressort de ce sondage, c'est qu'on a affaire à des aliens plutôt bienveillants envers l'espèce humaine, c'est bien ça. So, Robert and Ray, does it mean that, according to the survey, people experience aliens or ET as being benevolent beings? Mostly? Yes, indeed, without question. As Ray had mentioned earlier, the vast majority, over 90% or thereabouts, feel it to be a very positive experience and do not want the contact to end. Oui, en effet, Olivier, si on reprend les résultats, plus de 90% des personnes considèrent que leur expérience a été positive. Ou très positive, et en plus, si on leur demande s'ils veulent arrêter l'expérience ou non, 84% disent qu'ils ne souhaiteraient pas arrêter l'expérience. Très bien, mais dans ce cas, quel est le but des abductions? Quel est le sens de ces abductions, de ces enlèvements extraterrestres? So now, disturbing question by Olivier. What is the meaning, Robert and Ray, of alien abductions, if it happens? Okay, let me ask that, Bob, or you want to take it first? No, go ahead. Okay, we asked a question of all these people that have had ET contact, how many of you have been relocated to a different place? You know, mm-hmm. how many have been abducted? Mm-hmm. And what we found was that only one out of three people that have mm-hmm. had ET contact have had an abduction, just one out mm-hmm. of three. Mm-hmm. Ok, donc dans ce sondage, Olivier, nous avons, c'est Ray qui reprend la parole, nous avons demandé à ces personnes qui ont eu une expérience de contact rapproché avec un ET, combien ont eu le sentiment d'avoir été relocalisés, c'est-à-dire transportés dans un autre lieu, dans un autre espace, donc combien... C'est-à-dire un enlèvement extraterrestre. Exactement. Rencontre du quatrième type. Oui, combien donc ont vécu, croient avoir vécu une abduction, un enlèvement. Il se trouve que simplement un tiers des personnes, une personne sur trois, déclare avoir eu cette expérience de transporter. Okay. Now let me continue answering that question. What we found out is when we asked the people how did they describe their first few ET contact experiences, approximately 40% stated that it was negative. Ah oui, quand on leur demande de décrire donc leur toute première expérience de contact extraterrestre, seulement 40% des personnes déclarent ces expériences négatives. But then we asked them their most recent contact, including abduction type of experiences, how would they describe them? And what we mm-hmm. found out that it went down from 40% negative to 15% negative. Maintenant, si on les interroge les mêmes personnes sur leur dernière expérience de contact rapproché, les plus récentes expériences, mais ils diront que simplement 15% diront que leur expérience a été négative. C'est passé de 40 à 15%. Alors, on parle de 15% sur combien de personnes sondées en fin de compte? How many people were covered within the survey? Oui. A total phase one was 2,200. Mm-hmm. And for phase two was 1,000 or almost 1,300. Mm-hmm. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Olivier, pour la phase 1, c'était 2200 personnes et pour la phase 2, environ 1300 personnes. Donc là, c'est 15% de 1300 personnes qui rapportent que cette expérience a été négative, c'est-à-dire l'enlèvement extraterrestre. So here we could say that in phase 2, only 15% of among 1,300 people report to have had a negative experience their most recent experience. Correct. And what it is that in the beginning, when you have these experiences, it's very, very scary. Mm-hmm. And later on, after you've had many of these types of experiences, you realize that the vast majority of these ETs have not harmed you and that they're not going to harm you. So you become more relaxed and you tend to view the initial experiences very differently. Mm-hmm. Donc, thank you, Ray. Donc, Olivier, Ray explique bien qu'il s'agit donc d'analyser une succession d'expériences rapprochées. De contact avec un extraterrestre. Donc la première expérience est toujours et généralement allô est généralement oui, je t'entends. Généralement angoissante et c'est le premier contact. Mais au fur et à mesure que les contacts se renouvellent, la personne se rend compte que le contact ou l'ET, l'extraterrestre ne lui a pas fait de mal, ne va pas lui faire de mal et il a un regard différent même sur la première expérience. Et son analyse, son regard général sur la totalité est complètement différent entre la première expérience et la dernière. C'est-à-dire que la première expérience, c'est la peur de l'inconnu. Hein, c'est ce que disait Ray, en fait. Hein, c'est ça, hein? So Ray, the first experience, the person is scared by something the person does not know and understand. Correct. Like, for example, if you see three short grays in the middle of the night next to your bed, that's an extremely scary experience. And then we also have many people that have been taken aboard a craft and have been medically checked. And some people have actually reported hybrid types of procedures done on them, medical procedures, in terms of either implants or a sperm taken out or ovaries. So in the beginning, these experiences were perceived as extremely negative. So what I want to emphasize is that we're not saying that these things do not exist. Of course they exist. People, 300 people have reported that they believe that they're part of a breeding program, that they have been medically examined by these ETs. But what it is that over time, they become less scared of these experiences. Donc, oui, évidemment, Olivier. Donc, les premiers contacts sont toujours plutôt terrifiants. Lorsqu'une personne voit, si une personne va voir trois petits gris devant son lit au milieu de la nuit, bien sûr qu'elle va être terrifiée. Si elle est transportée dans une expérience d'abduction dans un vaisseau et qu'elle va être soumise à des programmes, à des traitements du type manipulation génétique ou hybridation ou même soumise à des implants, ça peut être une expérience traumatisante, mais au fur et à mesure des expériences, la personne s'accoutume à l'expérience et ne la verra pas de manière traumatisante comme c'était le cas au début, à l'origine. Alors, ces contacts rapprochés ont quel but exactement? Quelles sont les intentions de ces aliens? All right, so Ray, we are not interrupting your presentation, but Olivier just want to ask you abruptly if you can say which are the intentions of aliens, ETs? That's a question that at this point we have not approached yet, because we still are in the middle of phase three, and phase three is to get written responses to over 70 questions. And then the next step, phase four, is formal one-on-one interviews with the top 300 cases. So after hopefully we complete phase three and phase four, we might be able to come back and attempt to answer that question. So in phase three, 70 questions. That's right, only Ray. In writing, they have to answer these questions in writing. It's not a quantitative. Phase three is qualitative. We're asking them to write out their answers to 70 questions. So in phase three, and then in the interviews, we might have a better idea. Bob, you were going to say something? Yeah. Why don't you translate that, and I'll add to that. Yes, I will, Rob. Okay. Olivier. Ray nous explique qu'il ne peut pas, ils n'ont pas pu se confronter à cette question précise à l'heure actuelle. Quelles sont les intentions des aliens dans ces contacts ou dans ces programmes d'enlèvement ou autres? C'est qu'ils sont dans un processus d'étude. Donc, il décrit là actuellement quelles sont les étapes de la recherche. Donc, ce travail ultime sur les intentions viendra postérieurement. Donc, ce que nous dit Ray, c'est que là, ils ont accompli la phase 1 et la phase 2. Ils vont passer à la phase 3. Dans la phase 3, c'est une étape dans laquelle ils présentent 70 questions aux personnes. Et ces 70 questions donneront lieu à des réponses écrites. Et par ces réponses écrites, ils auront une compréhension beaucoup plus approfondie donc de l'expérience des personnes. Yes, we do ask many of those questions. For example, we ask them questions, do they know why the ETs are conducting experiments for for breeding experiments? Do we know why the ETs are abducting them? Do we know why the ETs are giving them medical procedures? Do we know, is there other questions, like, for example, is there a relationship between the ETs and the spirit world? You know, so it's not just the physical questions, but also the spiritual and the esoteric type of questions as well. Hopefully Bob can go into some of those, because we've already got some of that data already. But I don't want to be jumping around. Of course. So wait a second, Robert. I'll translate that, and we'll see. We'll see what happened. Donc Olivier, oui évidemment, pour répondre à ta question qui est prévue dans le déroulement, bien sûr, mais pour y répondre là immédiatement, effectivement, parmi les 70 questions qui sont des questions plus précises, plus profondes, donc les enquêteurs donc de la Fondation interrogent les personnes sur ce qu'ils pensent donc des processus donc d'hybridation, de manipulation génétique, ou sur le phénomène de l'abduction, qu'est-ce qu'ils en pensent, pourquoi on leur fait subir cela. Également, on les interroge sur les rapports, ce qu'ils pensent des rapports entre les extraterrestres, Monditi, et le monde spirituel, les dimensions spirituelles, et donc des niveaux, si on peut dire, ésotériques. Donc, toutes ces questions permettent d'approfondir le sujet, ce que les personnes en pensent, et donc de comprendre le phénomène dans son ensemble. Et de se faire une idée des intentions de ces aliens qui nous visitent et avec lesquels nous avons des contacts, c'est bien ça. So all these questions allow us to understand better which may be or are the ET's intentions. Yeah, maybe Bob, you want to take a step back. Sure. Donc c'est Robert qui va continuer pour répondre. Your audience must keep in mind that a key distinction between our research and all others that have been done in the past is that we are trying to understand the nature and purpose of the phenomenon. Ce que les auditeurs doivent garder à l'esprit, essayer de bien penser, c'est que notre recherche vise à comprendre profondément ce qu'aucune recherche en enquête n'a réalisé auparavant. Nous essayons de comprendre quelle est la nature et quel est le but, donc quelles sont les intentions du phénomène. And we have obtained some very interesting insights about this in our quantitative survey analysis, which I will share with you. Et en vérité, nous avons obtenu des résultats substantiels, nous dit Robert Davis, sur ces questions-là, dans les études quantitatives que nous avons commencé à présenter il y a quelques minutes. But keep in mind, we are focusing primarily on that issue in our qualitative phase 3 and phase 4. Mais en vérité, nous devons garder à l'esprit que donc les chercheurs se concentrent donc sur cette question principale, donc des intentions de l'alien, à travers la phase 3 et la phase 4 qui sont en cours de développement actuellement. Yes, Robert. So, based on about 1,000 respondents who report again conscious recall of their encounter. 90% said that they feel there is a grand plan in motion that experiencers are a part of. I can't understand. Can you repeat then? The question we asked was, do you feel there is some sort of a grand plan that experiencers are a part of? 90% said yes. Ah, d'accord. All right. Donc là, c'est une question. Là, il reprend les analyses quantitatives, Olivier. Donc sur 1000 personnes, qu'on leur demande donc qui ont une expérience consciente donc de la rencontre extraterrestre, 90% disent qu'ils considèrent qu'ils ont que cette expérience fait partie d'un plan général. Now, let's be more specific. over 70% agreed to the following questions that we asked. Okay? And here they are. Mm-hmm. The ETs are trying to transform humanity into a more self-aware, spiritually sensitive species. Mm-hmm. Mm-hmm. Their experience with ETs made them aware that there is a larger cosmic force that's affecting our lives. Okay. And ETs are trying to promote, in a sense, the evolution of consciousness of humanity. Very consistent. Ok. Donc, Olivier, un chiffre que, très général et quand même précis que nous redonne ici Robert Davis. Donc, tout à l'heure, il disait que 90 sur un total, un groupe de 1000 personnes, par exemple, 90% des personnes considèrent qu'ils font partie, que leur expérience fait partie d'un plan, l'échelle générale, Grand Plan. Donc, un plan général de la part des ETs. Et 70% donc, qui considèrent que les ETs, que les extraterrestres, donc, cherchent à transformer, un plan pour transformer la conscience humaine, ou la conscience de l'humanité, ou l'espèce humaine, donc, pour la transformer, pour leur donner une sensibilité ou une conscience supérieure. Également que les ET cherchent à transformer les êtres humains pour leur donner une force cosmique affecte notre vie. Et ces mêmes personnes considèrent donc que les ET sont là pour faire la promotion d'une évolution, donc pour favoriser l'évolution de la conscience de l'humanité. Yes, Robert. And we have evidence thus far to support those responses, which I can address. Mm-hmm. Et en vérité, il se trouve, ajoute Robert, que nous avons des preuves qui viennent à l'appui donc de ces affirmations des experiencers, des personnes qui ont eu des contacts extraterrestres. Et nous pourrons présenter ces preuves, souligne Robert. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples de ces preuves, quelques exemples, si possible, okay, en exclusivité avant tout le monde? Okay, do you want to go on it, Robert, yes, now? On evidence? Yes. Over these answers relate to personal transformative effects that occurred as a result of the experience with non-human intelligent beings. Mm-hmm. Personal transformative effects. Over 70% said that their desire to help others strongly increased. Their compassion strongly increased for others. Mm-hmm. Their appreciation of ordinary things of life also increased. Mm-hmm. D'accord. Their ability to love others has strongly increased. Mm-hmm. Again, many, many kinds of responses like this. There's a long list. I'm not going to go through them all, but why don't you translate that and I'll continue. Yes. Donc, thank you, Robert. Donc, Olivier, un type de preuve ou un des éléments de preuve qui ont été obtenus d'après Robert Davis, donc concerne des effets de transformation individuelle, de transformation de la personne liée à l'expérience du contact extraterrestre. Alors, concrètement, Robert Davis nous rappelle que 70% des personnes donc, qui ont participé, qui ont été prises en compte dans le sondage, témoignent que leur désir d'aider autrui s'est profondément élevé. Ou que le sentiment de compassion pour autrui s'est également accru considérablement. Également, la capacité à apprécier, à valoriser des choses ordinaires, ainsi que la capacité à aimer autrui. Tous ces éléments-là sont profondément accrus ou développés dans l'expérience sentiment des personnes. Mais c'est marrant parce qu'on retrouve les mêmes types de résultats avec les personnes qui ont fait des NDE, Near Death Experience. Les personnes qui ont fait donc des expériences de mort imminente rapportent ce même genre de conditions, de comportements, c'est-à-dire beaucoup plus spirituel, beaucoup plus voilà. Est-ce que tu pourrais le traduire ça à Robert justement et lui demander ce qu'il pense de ça, des expériences de mort imminente qui sont en lien justement avec les contacts aliens. So Robert, Olivier, you recall that the elements, the data which were just shown are very similar to what people having NDA, near-death experience, report as well. Exactly. And that's why we suspect there is a connection there, and Ray can talk about that. But you're exactly right. Oui, Olivier, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Et Ray va parler de cet aspect tout à l'heure, dans un moment. Ok. Ah, très bien. Très intéressant. Let me follow up on that, ok? Ok, c'est Ray qui va continuer. Ok, the reason why we followed up on these types of questions was back in the mid-1980s, the world's leading academic on near-death experiences. On? Academics on? Near-death experiences. Ah, oui. Dr. Kenneth Ring, he conducted a statistical study comparing 150 people that had near-death experiences and 150 people who had ET contact. Dans les années 80, donc un des grands universitaires américains, le professeur Kenneth Ring, qui est un spécialiste donc des NDE, une expérience de mort rapprochée, a conduit une expérience statistique donc auprès de 150 personnes qui avaient une expérience NDE et 150 personnes qui avaient une expérience de contact extraterrestre. Oui, c'est Kenneth Ring. Yes, Ray with Kenneth Ring. Yes, correct. The name of the book is The Omega Project. Donc le titre de son livre, c'est Omega Project. Le projet Omega, je ne sais pas s'il est traduit. Omega Project en anglais. And what he found was that both groups, the people that had NDEs and the people that have had abduction experiences, what he focused upon is how did these people transform? How did they change after the experiences? And what he found was that they turned into the same exact person. On both sides. Yes. D'accord. Donc, Olivier, le résultat principal donc, de cette étude statistique du professeur Kenneth Ring, c'est qu'en vérité, les personnes sont transformées après la NDE ou après l'expérience d'enlèvement, plus particulièrement. Et en vérité, les personnes évoluent dans une transformation, mais analogue, dans un même sens, que ce soit la NDE ou à travers l'expérience de l'abduction. Exactement comme pour les contacts aliens, exactement la même chose. Yes, Ray. C'est pour ça que je voulais en parler. On va continuer, je crois. And then what I did is I recommended to our research committee to incorporate 75 of Dr. Ring's questions from that book into our research study. D'accord. Donc c'est l'une des raisons, c'est connaissant ces résultats, c'est l'une des raisons pour laquelle donc j'ai proposé aux membres du comité directeur de la fondation d'introduire donc dans notre travail d'enquête et de statistique 70 des questions qui sont présentes qui figurent dans l'enquête statistique du professeur Kenneth Ring. The reason why I did that was because the ETs in one of my major experiences told me about the connection between the ETs and near-death experience, my own personal experience. L'une des raisons pour lesquelles effectivement j'ai fait ce choix de demander d'introduire les questions du professeur Kenneth Wing, c'est que ma propre expérience donc de contact ET m'a donné la preuve de la connexion entre l'expérience des expériences NDE et les expériences de contact extraterrestre. Okay. Now, our finding results were 100% the same with the findings of Dr. Kenneth Ring. Maintenant, pour répondre de manière générale, les résultats de notre enquête sont 100% identiques, semblables, les résultats okay. de notre propre enquête à celle de l'enquête du professeur Kenneth Ring. OK. And what I'm going to tell you now, John, is you, I'll stop and you could tell that to Olivier, but yes. I'm going to go through different types of comparisons. People that before lived their lives around money. Money was the most important thing. Now they have no interest in money. Now, in the current world, you say? People who have experience, exactly. Mm-hmm. Before, money was very important. Now, money is not important. En vérité, par exemple, un des changements très importants pour les personnes, c'est que l'argent était très important dans leur vie, mais l'argent est maintenant très peu important dans la vie de ces personnes. Olivier. People that were atheists are now deeply spiritual. Et boom. La plupart des personnes qui étaient athéistes très généralement deviennent des personnes très spirituelles. The people that did not care about the planet and the environment, now they are greener than the color green. Donc les personnes qui n'étaient pas du tout intéressées par la protection de l'environnement maintenant sont des éco-écologistes purs et durs, hein, des verts comme on dit. Okay. The nastiest people in the world, always fighting and always with temper. Mm-hmm. Now are just as calm as a Buddhist monk. Donc des personnes qui étaient très très bagarreurs ou très agressifs auparavant, maintenant sont aussi calmes qu'un moine bouddhiste. Okay. There are over 100 type of questions like this that we asked, and mm-hmm. what we found, as Bob said before, in 75% of these people, they have made major profound changes for the better. En vérité, il y a la quantité des dizaines et dizaines d'exemples de ce type, mais globalement, on s'aperçoit que 75% des personnes ont changé profondément dans leur vie, dans leur expérience intérieure, okay. et dans un sens très positif. Now, let me make one last question before I leave it to Bob. My question to Olivier and to the audience members mm-hmm. is as follows. Mm-hmm. Maintenant, je vais proposer une dernière question avant de redonner la parole à Robert Davis. Une question à Olivier et une question à tous les auditeurs. If these ETs are so bad, why are they changing almost all of the ET contact experiences for the better? Oui, si les extraterrestres sont si mauvais, pourquoi est-ce qu'ils transforment l'expérience, la vie des personnes qui ont fait l'expérience du contact extraterrestre dans un sens très positif, vers le mieux? C'est une excellente question. Yes, effectivement. Excellent question, Ray. Thank you very much for asking us and to the listeners. À laquelle je ne pourrais pas répondre. Of course, Olivier and I cannot answer, but we understand the meaning. Yes. And related to the interesting question on near-death experiences and what Ray said, 80% have much less fear of death now, related to UFO experiences, not an NDE experience, just from the UFO contact that effect occurred. Mm-hmm. And that they believe in life after death. 66% mm-hmm. now believe there is life after death, based again on contact with ETs. Mm-hmm. Donc c'est Robert Davis qui vient en appui. 80% des personnes qui ont eu l'expérience extraterrestre n'ont plus peur de la mort. Et 66% de ces personnes, en tout cas, considèrent qu'il y a une vie après la mort. Que ce soit à travers l'expérience ET, également à travers l'expérience NDE. Comme quoi, là, on voit très bien que les deux phénomènes sont liés, hein, liés très étroitement. So actually, Robert, the two phenomena, NDE and ET experience, are very closely linked in their results, in the effects. insofar as based on the changes in perspectives of individuals who have an NDE and also in individuals who have an encounter with non-human intelligence. Et oui, la proximité, le lien entre ces phénomènes est prouvé justement par les résultats, donc dans les transformations des personnes qui ont eu soit une expérience NDE ou une expérience de contact extraterrestre. Une question me vient à l'esprit, est-ce que votre sondage, enfin vos sondages de la Fondation Free ont été communiqués au gouvernement américain? Et si oui, est-ce qu'il y a eu des suites à ces conclusions? Est-ce qu'il y a eu un retour de la part du gouvernement US? Asking you, Ray, Robert, whether the results of the surveys were forwarded to the US government and which results? Well, Bob, let me answer that question. Go ahead. We forwarded the results of our surveys to humanity, not to the U.S. government. Mm-hmm. Non, nous n'avons pas envoyé les résultats de notre enquête au gouvernement. Nous envoyons les résultats de notre enquête à l'humanité tout entière. All of our research data is listed in our website, which is experiencer.org. That's experiencer.org. Yeah. So en vérité, thank you, Ray. En vérité, tous les résultats statistiques, quantitatifs ou qualitatifs, sont sur notre site qui est experiencer.org. Donc experiencer comme expérience, mais avec er à la fin, .org. And yeah. we do have a translation button on the website that will translate all of our articles from English to French. Nous avons également une fonction sur notre site pour transformer tous nos articles, pour traduire tous nos articles de l'anglais au français. Donc là, ils ont l'adresse exacte. Thank you, Ray, for all the listeners. Donc, très bien. Voilà. Je vais quand même reformuler ma question. Est-ce que vous pensez que le gouvernement US est au courant de ces sondages qui ont été faits via votre fondation? Anyway, Ray and Robert, do you believe the US government is aware of the results of the survey and the meaning of these results? Bob, could you answer that? It's hard to know for sure. We have given many radio shows sharing these results. It's always possible that some members of the government are aware of it. It's certainly available on our website. At some point in time, they will be very aware of it. Mm-hmm. En vérité, bon, je ne peux pas répondre très avec certitude, mais nous avons donné beaucoup d'interviews à des émissions radio, et en plus tous les résultats sont sur le site sur le site internet. Donc, il est fort probable que des membres du gouvernement sont au courant. Ce qui signifie que vous n'avez jamais reçu de tentatives d'intimidation, des bâtons dans les roues. Vous avez été libre de dire ce que vous vouliez. Il n'y a eu aucune censure. But would you say you have not been you have not suffered any form of intimidation or any threat, any pressure? For me, not yet. Robert dit. Robert dit qu'il n'a pas subi de pression lui-même. And très bien. Et Ray? And for me, from my wife. Ray dit qu'il a subi des pressions simplement de base. Of course. Ah oui, très bien répondu. But, because he wants to protect you, of course, with good intentions. Il est vrai que les femmes nous ralentissent beaucoup dans nos recherches. C'est vrai. Je compatis. The ladies slow us down in our work. Of course. Oh yes, most definitely. But they encourage us and help us in their way, of course, too, as well. Bien entendu, c'était une boutade pour toutes les auditrices du Faux Conscient. C'était des plaisanteries pour toutes les dames. A joke for all the ladies who are listening to the show in France or anywhere else. Right. Voilà. Most definitely, it was a joke. I love my wife. Bien entendu, c'est une plaisanterie. J'aime ma femme, précise Ray Hernandez. Bien entendu. Alors, je vous laisse continuer. Donc, Ray ou Robert, lequel veut prendre la parole pour continuer donc, Thank you, Robert. Thank you, Ray. Okay, we thank you very much. Okay, you can manage the presentation the way you want, the way you feel like. Thank okay. Bob, I would like to talk about trying to get volunteers for the French survey. Of course. If you, okay. Jean and Olivier, we are trying to establish a committee of native French speakers to coordinate our study in the French language. Mm-hmm. Donc, Ray veut d'abord partager, nous faire part qu'ils ont l'intention de constituer un comité donc, de chercheurs français qui voudront se rendre volontaires pour faire connaître donc, leurs travaux en France et en langue française, Olivier. Okay. Yes. We have established committees for the Spanish language and the German language, and each committee has 8 individuals from their respective languages. Nous avons déjà constitué des comités en langue espagnole et en langue allemande. Donc chacun des deux comités qui ont été constitués comprend 8 personnes donc, qui s'engagent à travailler donc, dans leur langue respective. Donc un comité en langue espagnole et un comité en langue allemande de chacun. And what we want to be able to inform the public is that this committee, while it'll be working together with FREE, it will be independent. Mm-hmm. They can write their own research findings according to their native culture. Mm-hmm. En vérité, Ray souhaite préciser encore qu'en l'occurrence, donc les comités qui seront constitués, que ce soit le comité français, donc en langue française, ou les autres, autres langues, seront bien sûr reliés à FREE, on est avec la fondation, mais ils pourront fonctionner de manière indépendante et présenter leur découvertes, les résultats donc des sondages de façon indépendante et en prenant en compte la culture locale. We want the people from their own languages to control the writing of their theories and their conclusions based upon their own culture. Nous souhaitons que les personnes qui feront partie du comité soient libres de réaliser l'étude et de rédiger les résultats donc des enquêtes librement en prenant en compte les caractéristiques locales donc des cultures en question. Oui, pourquoi pas toi, Jean? Ben là, on parle aux milliers de Français et de francophones en Afrique, au Canada, qui nous écoutent. Hein, donc, espérons qu'il y aura beaucoup de candidats. Et d'ailleurs, tu pourrais en faire partie, toi, Jean. Mais Olivier, tu parles très bien français, me semble-t-il. Et anglais. Oui, mais comme tu le sais, je manque cruellement de temps. Ah oui, je sais, oui. Mais bon, passons, comme tu ne veux pas répondre à ma question, passons et continuons cette émission passionnante. C'est à Ray que nous parlerons plus tard. Tout à fait. Très bien. Mm-hmm. Yeah. Très bien répondu. So, Ray, yes? Yes. And so what we want to do is, if anyone would like to contact FREE to volunteer for the French-speaking audience, please send an email to our organization, yes. And let me give you the email now. Right. Donc, okay. Oui, donc Ray nous dit qu'il invite, donc nous invitons à travers Il faut conscience, de la part de Ray Nandes et de Robert Davis, de tout le comité directeur de FREE, toutes les personnes qui souhaiteront prendre contact, se renseigner ou considérer une participation pour faire partie de ce comité en langue française pour réaliser donc, ces études donc, de type sondage quantitatif ou qualitatif en langue française, donc de prendre contact directement avec FREE, ou plus précisément directement avec Ray Hernandez, à l'adresse mail qu'il va nous donner à l'instant même. Ray? Yes, and the email is experiencer, the same name, experiencer. Yes, experiencer. Dot C O O at at gmail.com. All right. Thank you. Thank you, Ray. Donc, chers auditeurs, Olivier. Donc l'adresse Jean, je m'adresse je prends note, je suis le premier à avoir pris note papier audio, donc de l'adresse à laquelle tous les éditeurs peuvent s'adresser pour connaître plus directement donc tous les projets de Free avec Ray Hernandez, c'est Experiencer, donc le nom de qui a été indiqué tout à l'heure pour le site Experiencer, donc comme expérience mais avec un R à la fin, experiencer.co@gmail.com. Donc c'est l'adresse à laquelle tout personne francophone ou d'une autre langue peut s'adresser à Ray Hernandez. Directement à Ray Hernandez. Ok, très bien. Oui. Alors Ray, six mois avant la mort d'Edgar Mitchell, vous avez été l'un des derniers confidents lors d'une entrevue filmée. Qu'a-t-il confié? Okay, Ray. So now Olivier is asking you about your last interview, your last meeting with late Edgar Mitchell. So could you share with us something, whatever you want to share about what Edgar Mitchell said to you in this last interview before he passed away? Well, I actually met him at the hospital. Mm-hmm. About 10 days before he died. Right. Donc en vérité, je me suis retrouvé avec Edgar Mitchell à l'hôpital 10 jours avant la mort d'Edgar Mitchell. And we had also on the line from Harvard University, Dr. Rudy Shields on the line as well. Et en vérité, lorsque je me trouvais à l'hôpital, nous étions également en communication téléphonique avec le professeur Rudy Shield, donc le professeur d'Harvard, qui est un des directeurs de la nation. And we were both there to say our goodbyes. Mm-hmm. Et nous nous trouvions donc là, lui au téléphone, Rudy Shield et moi en chair et en os pour dire au revoir à notre ami. Because Edgar was in very, very bad condition. Parce qu'Edgar était vraiment à l'article de la mort. Alors, on va rappeler quand même aux auditeurs qui était Edgar Mitchell, parce que certains ignorent qui était Edgar Mitchell. C'était donc l'astronaute, le sixième homme à avoir posé le pied sur la Lune. So, Ray, oui. À avoir marché sur la Lune, hein, le sixième homme. If I could just tell you a little bit about what Edgar and I spoke about. Mm-hmm. Donc je vais vous dire un peu de quoi nous avons parlé Edgar Mitchell et moi. One of the main topics was about near-death experiences. L'un des thèmes principaux concernait donc les expériences de mort imminente. Because I had a series of near-death related type of experiences and I told him of the near-death experiences of my own father. Parce qu'en l'occurrence, j'ai eu moi-même une expérience associée à l'expérience de mort imminente, et je lui ai parlé de l'expérience de mort imminente qu'avait eu mon propre père. And what he told me was that near-death experiences are very real, and that we, as humans, are eternal spiritual beings. Ce que m'a répondu Edgar Mitchell, c'est que les expériences de mort imminente sont tout à fait réelles et que nous-mêmes, êtres humains, sommes des êtres spirituels immortels. And so that is the legacy that I want people to think about Edgar, is that he was like Leonardo da Vinci, a genius among geniuses, but he was also a very deeply spiritual man. Mm-hmm. Donc c'est le témoignage que je veux rendre d'Edgar Mitchell à tous les auditeurs, c'est que non seulement c'était un génie, mais c'était également un homme extrêmement spirituel. Mais alors ce qui nous intéresse, c'est par rapport à l'interview, vous aviez fait une interview six mois avant sa mort. Hein, il faut bien le préciser, Jean. Mm-hmm. Alors donc, je te laisse traduire. Donc, six mois avant la mort d'Edgar Mitchell, vas-y. So Ray, you had an interview, a recorded interview with Edgar Mitchell 6 months before he passed away, 6 months ago. Yes, correct. In that interview, Edgar had already accepted to name our organization after his name. Oui. And Oui, en l'occurrence, dans cette interview, effectivement, Edgar Mitchell avait autorisé que l'on nomme la fondation avec son propre nom, donc Fondation Edgar Mitchell. And that was recorded so everyone knows of Edgar's desires. Cette interview donc est enregistrée, je l'ai consultée moi-même d'ailleurs sur YouTube il y a une heure ou deux, et donc tout le monde peut témoigner, peut observer qu'effectivement elle a donné son autorisation à ce que son nom figure. D'accord. Dans... And in that interview, Edgar spoke about the topic of ET contact and consciousness. And what he said in that interview was that our universe is not really one universe, that it most probably be a multiverse of many different universes, and that these multiple universes are literally filled with an infinite number of living systems, living beings. Mm-hmm. Donc dans cette interview, en l'occurrence, Edgar Mitchell a partagé que nous ne sommes vraisemblablement pas dans un univers, mais dans ce qu'il appelait un multivers, et que cet multivers est rempli d'une grande diversité d'êtres vivants. He also said that humans only know one grain of sand. Mm-hmm. In an entire beach. Mm. And then he said, and that's just one beach, with the implications that if we have multiple universes, we have an almost infinite amount of beaches. Mm-hmm. Edgar Mitchell a aussi dit, la connaissance de l'être humain actuellement, ce n'est qu'un grain de sable sur une plage, et qu'il existe un très grand nombre de plages, ce qui veut dire qu'en vérité, non seulement nous ne connaissons pas notre univers, mais nous sommes confrontés à une multiplicité d'univers. And so Edgar always emphasized the next thing, this is very, very important for your audience members. Yes. If you could tell that, translate that. Mm-hmm. And that is that humanity must begin to establish friendly relations with these ETs, just like we establish friendly relations with our neighbor next door. Because if we fail to do so, we might need them in the future to prevent our self-destruction. Mm-hmm. Donc un autre point très important qu'a souligné Edgar Mitchell donc dans cet entretien, dans cette interview 6 mois avant sa mort, c'est que l'humanité a absolument besoin d'établir des relations amicales, pacifiques avec les extraterrestres, de la même manière que nous avons des rapports amicaux avec, nous essayons d'avoir des rapports amicaux avec nos voisins, parce que sans cela, dans le cas contraire, nous pourrions être amenés à avoir besoin d'eux, nous pourrions avoir besoin d'eux dans l'avenir, à l'avenir, pour éviter notre propre destruction. Et malheureusement, c'est mal parti quand on voit l'état de ce monde. And actually, the world is in a very bad state presently, Ray. That's what Edgar says. He has made several videos to inform humanity that we are in a very bad state and that we are on the verge of self-destruction. Oui, Edgar Mitchell l'a souvent souligné, et y compris dans les vidéos, que nous sommes dans une situation très, très, très grave, très, très, très périlleuse. Oh, et que nous sommes sur le point de la destruction. De basculer. La destruction. Ouais, vers le côté négatif, quoi. Bon, est-ce qu'on pourrait maintenant révéler quelques cas intéressants de contact avec des aliens? Des cas que vous avez bien entendu étudiés pour la Fondation Free. On pourrait même laisser la parole maintenant à Robert Davis. Right, Ray and Robert. Could you now just thank you for the overall presentation. Thank you very much. The meaning are strong, powerful, and it will have a strong impact. We're very sure about it to all French-speaking listeners. Now, can you present some specific cases of ET contacts or abductions? Okay, Bob, would you like to handle that? If you wish, one or two cases which be meaningful. We have accumulated many individual accounts of encounters with ETs. I was just reading one this morning, in fact, from our survey, phase three survey, whereby the individual reported seeing entities, short grays, in their bedroom, and that they were communicated telepathically. And eventually they were brought on board their craft. Mm-hmm. Donc ce matin même j'ai consulté donc l'un des témoignages de personnes qui sont dans la phase 3 donc de notre enquête. C'est une personne qui décrit avoir eu une rencontre approchée avec des extraterrestres du type petit gris, alors que la personne se trouvait dans sa chambre. La communication était télépathique. La personne décrit avoir été conduite dans un vaisseau. Yes. This woman claimed that she had engaged in sex with a human-looking being. Donc c'est une femme en l'occurrence. Cette femme a décrit qu'elle a eu une relation sexuelle avec un extraterrestre d'apparence humaine. But she had been abducted again and was then presented with a child, which she was told was hers on board. Oui, mais la femme a été enlevée une fois suivante, et à ce moment-là, elle rapportait à cette occasion suivante, on lui a présenté un enfant dont on lui a dit, dont on lui a fait comprendre que c'était son propre enfant. Donc ça c'est un exemple de contact alors que vous étudiez via la fondation, hein, c'est bien. So it's one of the thousands of cases you are investigating. This is a classic. Yes, it's a classic case that we are well aware of from other reports, by Jacques Vallée and John Mack. But there are many, many other very different types of encounters that people have. Mm-hmm. If I could add to what Bob said, or maybe you could translate what he said and then I'll add to that. Yes, thank you, Ray. Donc, Robert Davis précise qu'effectivement, ça, c'est un des cas typiques que nous connaissons, également qui sont semblables à, qui ressemblent à tous les témoignages que nous trouvons, entre autres, chez John Mack, hein, John Mack, dont on vient de publier le dernier livre en français. Mais oui, ce sont donc des cas classiques, mais comment expliquer cette relation sexuelle avec des aliens? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Robert, vous qui êtes spécialiste des neurosciences? Que pensez-vous de cela? Sorry, Ray, you are going to go on, but Olivier, again, yes, wants to ask a direct question to Robert or to you. Olivier asks you, Robert, what do you think personally of this sexual experience during abduction? Quel est votre avis personnel? What is your personal assumption? It's hard to make a firm conclusion, but we ask these types of questions in our surveys, and a large percentage of respondents do feel that there is a type of alien breeding program mm-hmm. that is going on, and mm-hmm. that they're part of it. Not all, but some are. Oui, donc c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre, moi personnellement, répond Robert Davis, mais il précise que les personnes sont interrogées dans l'enquête sur ce qu'ils pensent de ces choses-là, de ces expériences, et une grande majorité des personnes répondent qu'elles sont convaincues qu'il existe un programme qui est en œuvre, donc qui est un programme de mélange génétique, hein, d'échange génétique entre l'humain et les races extraterrestres. Est-ce que c'était une relation sexuelle qui était voulue ou est-ce que c'était décrit comme un viol? How does a person describe the sexual relationship as with consented relationship? Let me address that question. First of all, the vast majority, we've had about 330 people that said that they believe that they have participated in an alien breeding program. Mm-hmm. Now, the amounts that the percentages that have indicated that they have had sex with these ETs is a very small percent of those people. Mm-hmm. So don't think that everyone's having sex with ETs. That's just a small percent. Okay. Mm-hmm. Now, out of those people, I've never heard anyone where it was forced. Mm-hmm. Okay. Donc, première chose, is it you, Ray, who is speaking? Yes, Ray. Yes, Ray. Yes. Donc, c'est Ray Hernandez qui répond en ce moment. Donc, il rappelle que dans l'enquête, donc, on trouve 300 personnes qui affirment que considèrent qu'il existe un programme donc d'hybridation. Now, yes. Yeah, the point that I wanted to say earlier before is an equally interesting phenomenon is the topic of medical healings. We asked a question in phase two, and again, phase two is for the people that have had major experiences. We asked them, what percent of you, how many of you have had a medical healing either on themselves or a member of their family? Mm-hmm. from the ET, so it's a medical healing. Mm-hmm. And almost 50% of the people, almost 500 people, said yes. Mm-hmm. D'accord. Donc là, j'avais pas terminé, je vais quand même terminer. Tout à l'heure, il disait qu'une grande majorité des personnes considèrent que sont convaincus qu'il existe un programme d'hybridation, mais il y a une petite, un petit nombre de personnes un pourcentage de personnes qui témoignent d'une expérience sexuelle. Donc il ne faut pas croire que la grande majorité des personnes qui vivent en abduction, en enlèvement, sont soumis à des rencontres sexuelles, une expérience sexuelle. Donc il dit medical healing. On interroge les gens il associe ce thème-là avec un autre thème qu'il appelle la guérison. Donc combien dans ça, c'est une enquête qu'ils ont fait dans la phase 2, et donc on interroge des personnes pour savoir s'ils ont une expérience d'une guérison, soit sur eux-mêmes, soit sur un membre de leur famille, une guérison de la part donc des extraterrestres, par l'intermédiaire des extraterrestres, donc liés à leur expérience, à leur enlèvement, à leur contact extraterrestre. Et en vérité, sur un total de 500 personnes, 50% déclarent que oui, elles ont fait l'expérience d'une guérison, soit sur eux-mêmes, soit sur un proche, leur famille. Yes, Ray, so 50%. Yes, and 50%. Yes. Almost 500 people have stated that they've had a medical healing by these ETs. Now, let me give you one detail, a specific example. Donc maintenant, effectivement, 50% des personnes dans la phase 2 déclarent qu'elles ont eu une expérience de guérison personnelle de la part des extraterrestres. Maintenant, Ray va nous donner un exemple très précis. Okay. Yes. There's an individual who is went to school. He has a master's degree for divinity, you know, for theology. And mm-hmm. this person is now an ordained minister. Mm-hmm. And so? Yeah. Mm-hmm. And so this person was released from a hospital with a blood clot in his leg mm-hmm. that he had been treated for, but he was safe to go home. But the leg was still twice the size of mm-hmm. the other leg, and he was in a lot of pain. So maybe you could translate that and I'll tell you what happened. D'accord. Donc là, il nous parle de l'exemple, Olivier, d'une personne qui était en maîtrise donc, de théologie à l'université. Donc, il était sur le point d'être ordonné ministre, c'est-à-dire prêtre ou pasteur. Mais il avait une tache de sang, une boule de sang dans la langue, dans la jambe. Et il souffrait beaucoup. Il revenait de l'hôpital, mais sa jambe avait doublé de volume, pratiquement. Il souffrait beaucoup, il rentrait chez lui. Et maintenant, voici ce qui est arrivé. OK, Ray, what happened? And then what happened was these very tall human looking beings, they were wearing a skin tight outfit. I believe it was blue color outfit. They touched him. He fell asleep for half an hour. When he woke up, his leg was normal with no pain, and he said that he could have run a marathon. Donc, en vérité, cet homme, qui est entré chez lui, a rencontré there were two men or one man he met? It was one human man, tall, like 8 feet tall. Donc, il a rencontré un être qui avait une apparence humaine, mais de très grande taille, d'environ 8 feet, c'est-à-dire qui faisait environ 2,40 m, une très très grande taille, qu'il a touché. Ray a précisé tout à l'heure qu'il pensait qu'il était revêtu d'une combinaison très fine, un peu comme de la peau, mais de couleur plutôt bleu pâle. Il l'a touché. L'homme s'est endormi. Lorsqu'il s'est réveillé, sa jambe était guérie. Il ne souffrait plus. Il a dit qu'à ce moment-là, il était capable de courir un marathon. Now, finally, I just want to say that all of the members of our free board of directors were aware that medical healing was taking place, even though it's not discussed on the internet. But there was a book that was published in the mid-80s, almost 20 years ago, by a man named Preston Dennett. D-E-N-N-E-T, Preston Dennett, 20 years ago. Yeah. And it was titled UFO Healings. And in that case, he documented over 200 cases where the ETs have healed individuals. Ben, Olivier, mais Preston Dennett a été interviewé sur UFO Conscience. Oui, je confirme. On l'a reçu sur UFO Conscience en 2013, je crois. Est-ce que Ray le sait? Non. Je ne crois pas. Bah, tu peux lui dire. So Ray, actually, Preston Dennett was interviewed on UFO Conscience en quelle année, en quel moment, Ray, Olivier? Ouais, c'était en 2013, il me semble, 2013 ou 2014. In 2013, on UFOs healing, precisely. Okay. I translate, sorry. Yes. Ray. Donc, pour les auditeurs, Ray Hernandez nous rappelle que effectivement, Preston Dennett, qui était interviewé sur UFO Conscience, a fait un livre dans les années 80 qui s'appelle UFOs healing, c'est-à-dire les guérisons par les ovnis ou avec les ovnis. Donc, il présente 200 cas de guérison par les contacts avec les ovnis et des extraterrestres, bien entendu. Yes, Ray? Yes, and so to us, we knew it was happening, but it was a shock that it was literally 50% of UFO contact experiences had such a medical healing. So this is very important once again because it's not discussed in the internet, because all you hear in the internet is the evil, terrible, horrible aliens, but not the story of what really is happening out in the field. Thank you, very important, Ray. Thank you very much. Donc, Olivier, Ray nous rappelle que ces aspects-là, donc de guérison physique, médicale, donc à travers les contacts extraterrestres, sont très importants. Ils ressortent dans les statistiques. Ils étaient connus quand même partout, les membres de la direction, du conseil d'administration de la fondation, tous ces savants, ces universitaires. Mais on était quand même été très surpris des résultats précis du sondage, que 50% des personnes témoignent d'avoir de l'expérience sur eux-mêmes ou sur un proche d'une guérison physique. Et alors, et Olivier et Ray donc précisent à cet propos que sur Internet, on ne trouve pratiquement aucun écho de ce phénomène très important dans le contact extraterrestre, qui est la guérison. Guérison médicale, que sur Internet, on met beaucoup plus d'attention. Oui, c'est vrai qu'on en parle très peu, d'après Ray sur Internet, ben, dans l'ensemble, on présente plutôt des aspects traumatisants ou horrifiants, donc des rencontres rapprochées, et que cet aspect, au contraire, positif de guérison, est très très important à prendre en compte. Yes, Ray. And so, Bob, would you like to be able to add or tell additional information? Well, the sexual experience, which has been dramatized in the past, and everybody tends to think an abduction generally involves that, is not that common, as Ray mentioned. The variety of experiences are so diverse. Mm-hmm. We don't have enough time to go into it, unfortunately. Mm-hmm. And I'm still reviewing it in terms of the responses of the about the experiences they have. Mm-hmm. Yeah, I understand, Robert. Donc, Olivier, pour reprendre le thème donc de l'expérience sexuelle que tu as abordé tout à l'heure, Robert précise à nouveau qu'effectivement, ce n'est pas un thème très prédominant donc dans le témoignage des personnes, mais qu'il est en train de travailler précisément actuellement, Robert Davis, sur l'analyse donc de ces témoignages, et qu'il se rend compte que les expériences sont caractérisées par une très grande variété, une très grande diversité des types, des contenus d'expériences et des contenus des réponses donc des personnes qui témoignent. Voilà. I get a common theme of many experiences is the alteration of time and space that they experience. Mm-hmm. Néanmoins, un thème commun qui apparaît est l'altération de l'expérience du temps ou de l'espace dans ces contacts rapprochés. As well as telepathic communication and information sharing by the ETs. Également un thème très important, donc c'est la communication télépathique et l'échange d'informations de la part des extraterrestres. As if, again, there is some type of objective on the ET's part to raise our consciousness and spirituality. Comme si, en l'occurrence, donc, l'un des objectifs des extraterrestres était d'élever notre niveau de conscience. And spirituality, you say, Robert? Yes. Notre niveau de conscience et de spiritualité. De niveau spirituel. Many individuals who have this experience are convinced that ETs can travel both into the past as well as the future. Par ailleurs, beaucoup de personnes donc qui témoignent sont convaincues que les extraterrestres ont la capacité de voyager non seulement dans le passé mais également dans le futur. Also left with the impression that we are all one, we are all interconnected with the universe. Un autre aspect qui transparaît, c'est que les personnes sont convaincues qu'elles sont un avec l'univers, que nous sommes tout à fait unis avec l'univers dans sa globalité. And what's very interesting with the qualitative responses I'm reviewing now, mm-hmm, is that many of these individuals' perceptions of the experience seems to tie into some concepts of quantum physics. Alors, un autre aspect très important qui transparaît donc dans l'étude des réponses qualitatives, hein, un peu comme on l'a vu dans les réponses 2, sont des réponses écrites, non pas simplement statistiques, en chiffres, c'est que la perception donc des individus semble évoluer vers quantum physics. Quantum physics, yes. Mm-hmm. Vers la compréhension d'une physique quantique. Yeah. And Dr. Edgar Mitchell and Rudy Shield, a former member, Dr. Mitchell of Free, they believe in the holographic universe, which, mm-hmm, again ties into these types of space-time alterations or non-local phenomena, non-local consciousness. Mm-hmm. Donc, Robert Davis précise encore que Edgar Mitchell, donc, était quand même l'un des fondateurs de la fondation, et Professeur Rudy Child, donc, est directeur, insiste beaucoup dans les travaux sur un thème central qui est l'univers holographique. L'univers comme un hologramme et qui est caractérisé par une altération de l'espace-temps et par le non-local event, non-local, what do you say, Robert Davis? Non-local consciousness. Oui, et dans une conscience qui n'est pas localisée. Like telepathy, reading each other's minds is an example of that. Oui, un des exemples de la conscience non localisée, eh bien, c'est la télépathie, la capacité de lire la pensée d'autrui. Yes. And we have demonstrated many experiments here on Earth of non-local intention. Et nous avons eu beaucoup de preuves sur Terre donc de ce type d'expérience. Yeah. So I'm trying to connect the dots and make sense of this all. Donc j'essaie de rassembler tous ces éléments et donc de donner sens à tout cela. All I can say with certainty is that this phenomenon is real. It has profound implications. Mm-hmm. And we need to continue to do this kind of research in order to understand the most significant issue of our time. Mm-hmm. Donc tout ce que je peux dire pour résumer, c'est que le phénomène est réel, qu'il a de profondes implications et que nous avons un devoir de continuer ces recherches pour comprendre ce phénomène d'importance majeure. Mais alors, Robert, est-ce que vous pensez personnellement que les aliens hostiles existent et qu'ils visitent cette Terre, cette planète ? All right. Anyway, thank you, Robert. Thank you very much. Anyway, do you assume that there exists also some kind of hostile aliens being there on Earth? Hostile aliens, do they exist? D'après vos convictions personnelles. Hein. Your personal assumption. It's hard to form a conclusion. If there are hostile aliens, I don't see their overt evidence to support that. Maybe there are demons out there in disguise as aliens. I don't know, but reptilians are considered by some to be the evil ones. Who knows if that's the case? Mm-hmm. And some people do have negative experiences. It's a small minority, but maybe that does imply there is a negative entity. Mm-hmm. Donc je ne peux pas répondre avec certitude sur cette question. Dans nos recherches, eh bien, nous ne trouvons pas de preuves évidentes donc, de la présence d'aliens véritablement hostiles. Certaines personnes pensent que les reptiliens sont les mauvais, les méchants aliens, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les reptiliens sont vraiment méchants ou sont vraiment les méchants? Et par ailleurs, il faut savoir qu'effectivement, il y a quand même une minorité de personnes qui ont une expérience négative. Donc, si elles ont cette expérience négative, on peut considérer qu'il y a quand même des aliens. Mais alors, c'est là que c'est très intéressant, parce que là, en tant que professeur, professeur à la retraite de neurosciences, donc, vous avez étudié le cerveau humain toute votre vie. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi sur Terre il y a des tas d'humains qui sont convaincus qu'il y a des aliens hostiles, des aliens négatifs, des reptiliens qui nous veulent du mal, tout ça. Pour quelle raison il y a des êtres humains sur Terre qui qui pensent que des aliens nous voudraient du mal, d'après vous, d'après vos recherches en neurosciences. Mm-hmm. So Robert, if we asking you as a scientist, as an academic in neuroscience, could you answer the question or answer why do people on the global level assume that aliens are evils and want to do harm to human beings? I think it comes down to the fear of an unknown. Mm-hmm. We're all afraid, I think, at some level of something that we do not understand. I'm afraid of ghosts, yet they're supposed to be harmless. Mm-hmm. I'm afraid of death, as mm-hmm. most people are, because we don't understand the process of what might potentially lie beyond. Mm-hmm. I think in the absence of information, we lack the credibility to understand some of these concepts. Aliens should not be considered, you know, fearful, but because people generally think they are real, they can't be seen or heard by most, and thus it's intangible and therefore something to be suspicious of. Mm-hmm. Yeah, I understand. Thank you, Robert. And after you translate, can I respond with additional comments? Yes, thank you, Ray. Donc, Olivier, Ray va développer sur une réponse à cette question. Donc, la réponse principale donc, de Robert Davis, c'est la peur de l'inconnu. Hein, la peur de l'inconnu, on a toujours peur de l'inconnu, de quelque chose que... on peut avoir peur des fantômes, et surtout à cause d'un manque d'informations. Parce que quelque chose qu'on ne connaît pas, et ben, suscite la peur. En vérité, Robert Davis nous dit qu'on ne devrait pas... avoir peur des extraterrestres, voilà, c'est lié à un phénomène qui est mal connu et qui donc c'est bien la peur d'après vous qui fait dire et qui fait penser à certaines personnes que les aliens nous voudraient du mal et qu'ils sont hostiles envers l'être humain, c'est bien ça. So Robert and Ray, the central issue is a fear. We fear the unknown. Ray, can you elaborate on it? Yes, I would definitely agree with Bob, because if you take a look at the initial responses that we got from people describing the beginnings of their experiences, it was very, very fearful. Mm-hmm. And that's why it was negative. But then over the years, after they've learned and grown not to be fearful, then it's become a very positive experience. Mm-hmm. Yes. And then I want to talk about the reptilians after you finish translating. Ok, thank you Ray. Donc on fait là, Ray, pour continuer, effectivement approuve tout à fait l'exposé de Robert Davis, que effectivement c'est le thème de la peur, les gens ont peur de l'inconnu. Et en argument, Ray Hernandez reprend les éléments qu'il a exposés tout à l'heure, justement dans les réponses du sondage. Donc quand les gens parlent de leur première expérience, effectivement, c'est très, très négatif. Mais au cours des années, parce qu'effectivement, les expériences s'étirent sur plusieurs années, la perception que les gens ont de l'expérience devient de moins en moins négative, de plus en plus positive. Hein, si tu te souviens, Olivier, de ce qui était exposé par Ray Hernandez il y a une demi-heure, quand j'ai repris tout ça. Donc voilà. Donc ça veut dire que l'expérience elle-même transforme la peur en un sentiment différent. On va au-delà de la peur en approfondissant l'expérience. Donc voilà. Et Ray veut continuer en parlant précisément du thème des reptiliens maintenant, Olivier. Okay. First of all, let me just state that there's a lot of falsities being spread throughout the internet, and one of them is about the reptilians. Alors, je veux souligner qu'il y a quand même beaucoup de choses fausses qui sont répandues sur à propos des extraterrestres, donc sur Internet. Et l'un des thèmes particuliers, mon faux, est celui qui concerne les reptiliens. Yes, Ray. Okay. As I said before, only about 15% of the experiencers have had encounters with reptilians. And so we asked this question about the reptilians. How did they perceive their experiences with reptilians? And we had 348 people that had encounters with reptilians. That's 348, yes. Mm-hmm. If you could translate that, because then I want to go into a lot of detail. Ok. Donc, Olivier, Ray reprend ici donc, les résultats de l'enquête qui concerne plus particulièrement les personnes qui ont eu ou qui pensent avoir eu une expérience avec des reptiliens. Donc, en vérité, l'expérience avec les reptiliens, seulement 15% des personnes donc, décrivent avoir eu une expérience avec des reptiliens. Ça correspond à un total de 348 personnes. Yes, okay. Ray. 348 sur 1300, c'est ça, hein? 348 among 1,300 or among more? More. This is phase one. So, phase one. We had 2,200 people. Out of 2,200 people, 348 saw reptilians. Oui, non, en fait, c'était la phase 1, Olivier. Donc, à la phase 1, il y avait 2,200 personnes. Yeah. So, we asked them a question. How would they describe their experiences with the reptilian? Was it positive, negative, both positive and negative? Was it neutral? Or they were not sure. Not sure, d'accord. Oh, yeah? Yeah. So, do you want me... Now I'm going to give you the percentages for each response. Yes. They were not sure, okay, whether it was positive or negative. And neutral, it was a neutral experience. That total came out to 47%. 47%. Yeah. That people were either not sure or that it was a neutral experience. So if you could tell that, translate that number. Donc, les résultats du sondage concernant, les personnes sont interrogées sur leur expérience, qu'est-ce qu'elles pensent de leur expérience, était-ce une expérience positive, négative, ou une expérience à la fois positive ou négative, ou une expérience neutre, ou alors ils ne sont pas sûrs de la caractéristique de leur expérience. Et Rain précise que 47% des personnes décrivent qu'ils ne sont pas sûrs de leur expérience, ou que c'est une expérience neutre, soit neutre, ou ils ne peuvent pas dire si c'est une expérience négative ou positive. 47%. Yeah. Yes. Yeah. So it was 47% said it was either neutral or they're not sure. Okay. Now, the 13% said it was both positive and negative. So we'll translate that, please. 13. 13. Maintenant, 13%. 1-3. Yes. Maintenant, 13% des personnes disent que leur expérience était à la fois positive et négative. Yes. Okay. 18% said it was positive. 18% des personnes ont dit que leur expérience était positive. Only 22% said it was negative. Et seulement 22% des personnes ont dit que leur expérience avait été négative. So where does this stereotype of reptilians being all evil come from? Donc il n'y resterait rien du stéréotype selon lequel les reptiliens sont des êtres diaboliques. Maybe it's because they're the scariest being that's out there. Peut-être parce que ce sont des êtres qui les plus effrayants qui se trouvent là-haut. If I saw a reptilian in front of me, I would piss in my pants. Moi aussi. I do worse, Ray. I would. Would you, Olivier? I would. If you could translate it just like that. Alors là, il va falloir me traduire parce que j'ai pas compris. T'as pas compris? I would piss in my pants, Olivier. Ray nous dit que s'il voyait un reptilien devant lui, à l'instant même, eh bien, il ferait pipi dans son pantalon. Et Robert approuve. Ah, ouais, d'accord. Oui. So the point that I'm trying to get at is that once you ask people quantitatively in a not biased format, we had 350 people. That saw reptilians. Only 22% had mainly negative experiences. That's it. Yeah. En vérité, si l'on dépasse les stéréotypes, mais si l'on regarde les éléments statistiques à travers une enquête, on s'aperçoit que là, on n'a que 348 personnes qui ont eu une rencontre avec des reptiliens, et que sur ces 348 personnes qui témoignent, simplement 22% ont une expérience négative. So okay. 22% among 348. Correct. Now, all this negative stuff of reptilian, or at least what I know about it, came about through David Icke, that guy from England, okay? That the negative reptilians, what kind of research has he done on reptilians? How many thousands of experiencers or hundreds of people have had reptilian experiences? Did he do a scientific study of those people? No. Mm-hmm. Alors, un rappel que cet aspect négatif, effrayant concernant les reptiliens nous vient spécialement à travers des travaux de David Icke. Mais Ray demande si David Icke ou les chercheurs qui sont avec lui ont David Icke, l'ex-joueur de foot anglais là, qui avait écrit des livres sur les reptiliens, c'est bien ça, hein, pour se faire du pognon. Ex-soccer player. Who wrote books on reptilians? Yes, the ex-soccer player who knows nothing about the reptilians. Mm-hmm. Oui, cet ex-joueur de football qui ne sait rien des reptiliens. Donc Ray demande s'il a déjà fait des études statistiques. Est-ce qu'il a étudié des centaines ou des milliers de cas et faire une étude donc scientifique, statistique sur ces cas pour tirer la conclusion que les reptiliens sont des êtres absolument négatifs ou maléfiques. Et non, certainement qu'il n'a pas fait ses études comme nous l'avons fait, précisément. Non, mais par contre, il a vendu beaucoup de livres, hein. Je confirme. But he sold many, many books, right? Yeah, this is what gives ufology a very bad name in mainstream science. Too many conclusions by too many people using unsubstantiated evidence. Mm-hmm. Oui, Robert Davis insiste qu'effectivement c'est ce qui donne une mauvaise image de l'ufologie dans la science officielle, c'est qu'il y a trop de gens qui font des déclarations abracadabrantes qui ne sont pas basées sur des études véritablement factuelles. Et bien entendu, je précise que quand je dis qu'il a vendu beaucoup de livres, c'est ironique de ma part, c'est pour dire que tout ça je confirme bien qu'il n'a fait aucune recherche sur reptilien, aucun sondage, mais qu'il a écrit comme ça, des choses qui lui sont venues pour faire le buzz, quoi, tout simplement. Hein, il faut bien le préciser, hein, qu'on se comprenne bien. Hein. Of course, when Olivier said that he sold a lot of books, of course, it was an ironical sentence, because of yes. course we understand that. Mm-hmm. Yeah, so that what I want to emphasize, and Bob too, you know, to you and to your members, is that for the first time, we are able to scientifically quantify what is really going on out with experiencers instead of these bullshit books by David Icke. Oui, donc pour résumer le travail que nous faisons, moi, Robert Davis et tous les membres de la Fondation, c'est effectivement de réaliser des études de quantifier donc toutes les expériences et tous ces phénomènes et donc qui nous permettent effectivement de mettre au placard toutes les théories farfelues d'individus comme David Icke. Oui, yes, Ray. C'est bon de le préciser parce que ce ne sont que des théories, hein. Attention, hein, parce que beaucoup de gens qui s'intéressent à l'ufologie sont persuadés que David Icke dit la vérité. Et encore une fois, c'est bon de le préciser, ce ne sont que des théories. Yes, because actually Olivier reminds us that many people, even in France, believe that David Icke actually says the truth, and actually he only presents some personal theories, but he doesn't present facts. I have read David Icke, and it's unfortunate that people buy into his conclusions. It truly is. Oui, en vérité, Robert Davis, parce qu'il a lu lui-même tous les livres de David Icke, et il trouve très très malheureux que les gens avalent, admettent tout ce qu'il présente, alors que ce ne sont que de pures théories. Mais comme on dit toujours, plus c'est gros, mieux ça passe. Of course, the biggest is the lie. The easiest it is swallowed up, let's say. Well, let me respond by saying two different things. First of all, is that fear sells. Mm-hmm. Fear sells. Mm-hmm. Number two, for all those people that believe Dave and Ike, okay, mm-hmm. I am selling the Eiffel Tower very cheap price. Mm-hmm. I don't get it. In other words, if you believe David Icke, then you believe the Eiffel Tower is for sale. Ah oui. Donc, pour résumer, Ray Hernandez dit que fear sells, c'est-à-dire la peur est un bon attrape-nigaud. C'est-à-dire que quand les gens ont peur, eh ben, ils sont attirés. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos des reptiliens. Les gens aiment avoir peur. Et donc, quand on leur fait peur, un livre qui leur fait peur, ils vont l'acheter. Donc, pour le commerce. Du coup, non seulement il fait peur à travers ses livres, et puis il y a beaucoup de gens qui le suivent dans ses théories, mais pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Robert Davis, professeur des neurosciences, là nous avons le cas typique d'une personne qui vit dans la peur, c'est-à-dire David Icke. So Ray and Robert, David Icke himself lives in fear if he believes what he is writing. Well, unfortunately, he has managed to influence so many people that have had these experiences, and all it does is just continue that fearful mentality. Bob? The problem here, again, with ufology is that there's way too many David Icke's out there writing books, convincing the public of untruths, and that's, again, what gives ufology a very negative name. And it's unfortunate, but this is the case. People don't know how to separate fact from fiction. What books should or should not be read? Mm-hmm. Oui, en vérité, Robert reprend ce que disait tout à l'heure Ray, c'est qu'en vérité, dans l'ufologie, il y a un trop grand nombre de gens ou d'auteurs qui ne savent pas distinguer les faits de la fiction et qui trompent les lecteurs et qui donnent donc qui développent des conceptions erronées et entraînent les gens. Mais au final, on pourrait se demander aussi, est-ce que tout ça ne serait pas de la désinformation voulue par les gouvernements ? Par exemple, pour David Icke, voulue par le Royaume-Uni. Que pensez-vous de ça, Robert et Ray ? Vous pensez quoi de ça ? De la désinformation ? Mm-hmm. More deeper or serious question, Ray and Robert. Would you assume that such an action by or through David Icke or similar people would be a kind of disinformation by governmental agencies or governments or secret agencies? I mean, there's always that possibility, like a Klaus, K-L-A-S-S, Philip Klaus, I believe. He was considered to be a pigeon of the CIA or whatever. And there are these disinformation campaigns that occur in varying ways. It's hard to prove it, but regardless. Free is pursuing the, in my mind, the most reasonable approach to understanding this phenomenon that is based in scientific methodology. And that is what's most critical. Yes. Yes, thank you, Robert. Donc, effectivement, Olivier, la réponse de Robert Davis, c'est qu'effectivement, la question d'une entreprise de désinformation par des agences gouvernementales est toujours à prendre en compte, même si c'est très difficile à prouver. On a le cas de Philip Klass, qui était soi-disant un ufologue, mais qui en vérité s'est avéré être un agent de la CIA. Philip Klass, un ufologue américain, K-L-A-2-S, soi-disant. Est-ce que tu connais toi, Jean, Philip Klass? Je connais un peu, mais vaguement, je vais lui demander de préciser, si tu veux bien, dans une minute, de nous rappeler qui c'était. Oui, oui. Mais, serait intéressant pour les auditeurs, ça. Oui, oui, moi j'ai entendu parler, effectivement, c'est un des informateurs. Et donc, je vais lui demander de préciser qui était. Mais Robert Davis finit de préciser qu'effectivement, indépendamment de cela, c'est important pour lui, et c'est le travail de Fuy qui est l'approche la plus rationnelle qui soit pratiquée actuellement, justement, pour développer une pratique méthodologique. Hein. Méthodologique pour comprendre le phénomène extraterrestre, le phénomène de l'expérience extraterrestre. Robert Davis, can you remind us who was Philip Klass actually? I know his name, but I can't remember because he was an American. Yes, he was an American. I don't know if he was a lawyer. I can't recall what his occupation was, but he was a leading debunker. Not even a skeptic, a debunker. And he engaged in many debates with leading ufologists over particular cases. Mm-hmm. And I don't care for debunkers. I can appreciate skepticism, but not a personal attack and denouncement of one's position, which he did. Mm-hmm. He's since passed away. He suddenly passed away. He passed away. Yeah, he has passed. Oui, ok. Donc, Philippe Klass, Olivier, était effectivement ce qu'on appelle un débunker, c'est-à-dire pas simplement un sceptique, mais quelqu'un qui attaque frontalement et qui essaie de décrédibiliser. Il a affronté les plus grands ufologues américains sur des cas très connus. Et donc, il est mort il y a quelques années, en fait. Et donc, Philippe David nous dit qu'il ne veut pas prêter attention à ces gens. Il veut bien dialoguer avec des sceptiques, des gens le droit de pas d'avoir des opinions différentes, mais condition de respecter l'opinion. Mais il ne veut pas faire attention à ces gens, les débunkers qui sont là, ça bon, pour essayer de détruire. Ouais, alors ça, j'ignorais ça, cette information, d'autant plus que si cette personne est décédée, ce n'est pas la peine de parler de lui puisqu'il n'est plus là pour. Voilà quoi. Oui, mais c'est toujours intéressant de citer cet exemple pour comprendre que la désinformation existe bel et bien et qu'on peut se poser la question avec ce fameux David Icke, mais bien d'autres. Il n'y a pas que David Icke, hein. Il y en a des tonnes hein, dans ce genre de pratique. Anyway, we can always consider the question of disinformation. Disinformation is a reality. So David Icke may only be one infamous example, but there must be very many others in this process of disinformation. Correct. Also, he could just be someone who wants to sell books, millions of books. And so if you come in sensationalize, as much as you can, and it sells books, like Whitley Strieber's, the books that sold were the beginning books about fear. All the other books that talk about spiritual encounters with the ETs, those books have never sold. So that's just a classic example that fear sells. Oh, very interesting. Robert, I want you to understand that because I would like to ask Ray and you to elaborate on Whitley Strieber, which is a very interesting example or author, maybe. The point that I'm getting at is that Whitley's first book, the communion book, that book sold millions of copies. Why? Yes. Olivier, donc indépendamment de David Icke, parce qu'effectivement, il y a certainement beaucoup d'autres exemples, il nous donne l'exemple de l'écrivain Whitley Strieber, Olivier. Whitley Strieber qui a écrit le livre Communion, qui a eu un grand succès. Yeah, the point that we want to say is that the whole internet, all of the books that are out there, so much of these speakers that go all over the world lecturing on UFOs, okay? A lot of these people are totally clueless about really what's going on. Plus généralement, tout ce qu'on trouve sur l'internet concernant les extraterrestres, les ufologies, en vérité, on a généralement aucun fait concret, aucun élément concret. ça, les faits concrets, les données concrètes manquent cruellement. Yeah? And so the point that I'm getting at is that that is why our research study is so fundamentally important, because it's the first comprehensive academic research study on the experiencers. And we're finally are going to put to close, to put to bed, as they say in English, all of these misconceptions that are out there, because our data totally contradicts what's circulating on the internet. Mm-hmm. Et donc, en vérité, nos travaux vont aller à l'encontre des conceptions fausses, parce que ces données factuelles vont tout à fait à l'encontre des courants généraux qui sont diffusés librement sur Internet. Mais là, on n'a pas laissé terminer ce qu'il disait tout à l'heure sur Wilfred Schreiber, Olivier. Ça, c'est très intéressant. Il nous disait que son premier livre, Communion, s'est vendu très, très bien parce que ça faisait peur. Mais je voulais qu'il parle des autres. Justement, il était en train d'expliquer que quand c'était plus le même type, ça n'a plus marché. Je voudrais bien qu'il termine là-dessus, si tu es d'accord. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Alors vas-y, relance. C'était bien ça. Ray, sorry, and after Robert, we did not let you finish. Ray, you were just saying that the first book by Whitney Strieber was very successful, Communion, and then the other ones were not. Can you describe the Well, Whitley is a classic case of an experiencer. In the beginning, what he wrote about was very, very fear-based. Donc, Wilfred Schreiber, c'est un homme qui a fait une expérience, hein, c'est un experiencer caractéristique, hein, c'est un homme qui a vécu un contact rapproché. Donc, son premier livre, Communion, était tout à fait terrifiant. Yeah? But his most latest book is actually a book on spirituality. Mais les livres suivants que Wilfred Schreiber a écrits n'étaient pas des livres à proprement parler terrifiants, c'était des livres concentrés plus spécialement sur la spiritualité. Yeah? So, as Wilfred Schreiber's new books have become more positive over time, mm-hmm. they have sold less and less and less. En vérité, les livres de Wilfred Schreiber qu'il a écrit après Communion étaient des livres plutôt positifs, toujours plus positifs dans leur perception. Eh bien, il a commencé à vendre de moins en moins de livres. Plus les livres étaient positifs, et moins ils se vendaient. Yes, Ray? But meanwhile, David Icke, who's totally clueless about reptilians, has no study, no mm-hmm. research to back him up, he sells mm-hmm. millions. Et néanmoins, par contre, David Icke, lui qui n'a aucun fait concret concernant les reptiliens, qui n'a aucune base, aucun élément, aucune donnée, et ben il écrit des livres et il vend des millions de livres. Yeah. And that's it, basically, that's my point. Okay. Can you cite some Whitley Strieber books, the most recent ones? He just has a recent book that he just came out with, but he's had other books in the past that were titled, for example, Revelations. Excuse me. Majestic. He's had Confirmation, Transformation, Hybrids, mm-hmm. The Greys, The Secret School. So he's had numerous books, but he just had a more recent book that he just published, and I would have to look it up for you, but I could get it for you later. I have it here, as a matter of fact. Give me mm-hmm. one second. His most recent book is titled Supernatural. Two different words, Supernatural. Supernatural, and that's a book basically about what we've been talking about mm-hmm. the paranormal and spirituality. Mm-hmm. Donc Olivier, thank you very much, Ray and Robert. Ray vient de résumer Olivier les principaux livres de Whitley Strieber qui ont une orientation beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus positive, qui sont pas traduits en français, hein, je crois Olivier. Hein. Il y a tellement de livres qui ont besoin d'être traduits. Alors Revelation. Il serait temps que tu t'en occupes. Il serait temps qu'il y ait des éditeurs. peur qu'il y ait des éditeurs, Olivier, qui prennent en sérieux toutes ces choses-là beaucoup plus. Et des lecteurs, évidemment. Révélation, Revelation Majestic, Confirmation, donc Confirmation, Transformation, Transformation, Hybrids. Et donc, ce sont des livres. Et le dernier qui s'appelle A Supernatural. Et donc, Ray Hernandez signale qu'effectivement, ce sont des livres, spécialement le dernier, qui sont concentrés sur les mêmes thèmes que même abordent dans leurs enquêtes, hein, ou qui sont synthétisés dans leur enquête, le thème du paranormal et de la spiritualité. So, Ray, would you do you think there is a bond, a bridge between Whitley Strieber assumptions or conclusions and your own? It's a question to Robert again, too, and your own results of investigation or survey. I just heard an interview that Whitley gave about his new book and a presentation that he gave in a lecture. And it seems like Whitley's talking about the same exact things that we're talking about, that there is a connection between the paranormal, there is a connection between the ETs and the so-called spirit world and near-death experiences. But it's taken Whitley, 30 years to get to this conclusion. Mm-hmm. But Whitley's not the only one. It's most of the experiencers started off, as I said before, in a very fear-based position. And then over the years, they become very positive about their experiences. So Whitley's is just a classic example. Mm-hmm. Yeah, it's an evolving process. The majority of our respondents say that they had been had contact with ETs more than 10 times. So there is some type of purpose there for repeated contact over time. Is it to evolve the individual consciously? Mm-hmm. OK. Purpose to evolve consciousness. Donc, Olivier, allô? Olivier, oui, je t'écoute, je suis là, je vais simplement fermer le micro, ne t'excite pas, ne t'énerve pas, ouais. Tout va bien, c'est pour éviter l'écho, comme je t'ai déjà dit, Jean. Alors vas-y, je t'écoute. Ouais. Hein. Bon, donc effectivement, là c'était un petit exposé quand même de Ray sur Whitley Strieber. Et effectivement, je me suis permis de demander dans le feu de l'action, hein, c'était pas de si, mais s'il voyait une connexion entre donc les points de vue ou les conclusions ou les thèmes centraux des derniers livres donc de Whitley Strieber, orientés plus vers le paranormal, la spiritualité, et les conclusions de leurs propres recherches, hein, puisque c'est bien l'axe. Qui est indiqué. Il a confirmé, hein, Ray Hernandez a confirmé que c'est un cas parmi d'autres, mais c'est un cas typique, effectivement, dans lequel, effectivement, de même que dans leur propre recherche, ils arrivent à identifier les connexions très claires entre le paranormal, l'expérience extraterrestre et des expériences telles que la spiritualité et les expériences de mort imminente, n'est-ce pas ? Mais le travail de Whitley Strieber s'est étiré sur 30 ans. Hein. Donc c'est une évolution très lente, très longue de recherche, d'approfondissement de la réflexion de cet auteur. Et par ailleurs, Robert Davis ajoute qu'on peut faire la comparaison avec les expériences donc des personnes qui font partie du sondage, des études statistiques donc au sein de la Fondation Free. Les gens ont souvent vécu, les personnes ont souvent vécu 10 expériences de contact extraterrestres. Et donc Robert Davis nous signale que cela peut signaler la volonté, le but de la part des extraterrestres, donc d'expériences répétées qui vont donner lieu à une évolution, qui vont engendrer... éveiller les consciences, qui vont donner lieu à une évolution de ces consciences. Éveiller les consciences sur UFO conscience. Tu vois, j'essaye de placer quand même. Ah ouais. C'est une chute là. Jean, c'est la chute. Oui. Ouais, c'est comme ça. J'ai compris. On est fatigué, moi aussi. Robert. Ça commence à faire long, hein. So d'ailleurs. Attends, je traduis et je vais voir sa réaction. Donc, it means that yes, the aliens are trying to wake up consciousness. Through repeated experiences. That's a possibility, and we still have to analyze the results to fully make that a firm conclusion. But that appears to be, at least preliminarily, based on our results, that there is a grand plan, and it doesn't end with just one encounter. But they seem to be interested in dealing with a person at a time in order to possibly transform humanity for the better. Oui, donc Robert Davis précise qu'effectivement c'est une hypothèse qu'on ne peut pas confirmer à 100% actuellement, mais qu'apparemment qu'il apparaît qu'il existe un plan général, un grand plan, un plan à l'échelle mondiale bien sûr, ou à l'échelle du temps évidemment, et qu'effectivement qu'on utilise, ça procède par plusieurs rencontres avec une personne, et que les extraterrestres se servent d'une personne à la fois, ils s'adressent à une personne, mais qu'ils traitent, si on peut dire, pour pouvoir toucher l'ensemble de l'humanité à travers une personne et à travers d'autres personnes, mais ils traitent chaque personne individuellement. C'est ce qu'on appelle le compte-gouttes, c'est-à-dire que celui qui avait parlé la première fois du compte-gouttes, c'était Christelle Sauval, et c'est ce qu'on appelle donc le compte-gouttes. Petit à petit, on contamine d'autres personnes à travers la conscience. Contaminer est un grand mot, hein. Ça, c'est négatif, contaminer. Mais dans un sens positif, alors. Dans le sens positif, voilà. So, is it Robert Davis a contamination? They are working on one people or on several people in order to have an effect on the overall humankind? Can you say that again? When you say that it is treat one person at a time, would we say that there is a grand plan, or let's say of contamination of, but a positive contamination, dans le bon sens. A positive transformation, a progressive transformation of humankind through a set of individuals who are being chosen and to have an effect on the overall. Possibly, and we have yet to make that again a firm conclusion, but preliminary data suggests that might be the grand plan. They certainly don't have they certainly don't interact with thousands of people in an auditorium, but obviously do so on an individual basis, as well as members of a family. That is not unusual either. In the same family? Yes. Mm-hmm. Oui, donc il existe un grand plan, ça c'est sûr. On ne peut pas le décrire très précisément pour l'instant, mais en l'occurrence, effectivement, il s'aperçoit que souvent les personnes sont contactées au sein d'une même famille. Les membres d'une même famille sont Ça, c'est quelque chose qui ressort à chaque fois, souvent. Hein. Souvent, les chercheurs nous parlent de ça, que c'est au sein d'une même famille. Hein. Yes. So what would you say specifically, Robert or Ray, about it? One family, a mother and her children, or mother seeing that herself or her parents... C'est ce que nous avait dit David Jacobs, d'ailleurs. Hein. Yes, because David Jacobs actually presented the same cases, because David Jacobs was interviewed in past November. Well, did you ask David Jacobs how many people he based his book on? And you will find it's only 10 people. So in other words, humanity is being invaded by hybrid based upon 10 people that he used for his book. Donc Robert Davis, c'est vrai. Il me demande si on a demandé à David Jacobs s'il avait fait des statistiques. Mais il nous dit que David Jacobs n'a interviewé peut-être que 10 cas. Hein, il n'a étudié qu'une dizaine de cas, et que donc il suggère qu'à partir d'une dizaine de cas vraiment étudiés, on ne peut pas prétendre que l'humanité est envahie par des hybrides. Et pourtant, il n'a pas étudié que 10 cas, hein, d'après mes souvenirs. Je ne sais pas si tu pourrais me confirmer, Jean, mais je crois qu'il a étudié beaucoup, beaucoup de cas d'abductés. Hein. Oui, c'est ce qui me semble, hein, dans son témoignage. Robert, David Jacobs told us that he investigated hundreds of cases in his in his psychotherapist, in his hypnotist office in New York or United States. But Bob, can I comment that for 1 second, and of then you course. Can take, you can take that. Let me respond to David Jacobs by saying, David Jacobs stated publicly that he has never met an experiencer with a positive contact experience. Mm-hmm. So how could you believe anything that comes out of the mouth of someone that says that he has never met anyone with a positive contact experiences? Okay. Mm-hmm. And mm-hmm. we talked out earlier about paid government agents. Okay. Mm-hmm. How could you trust someone that says he's never met anyone with a positive contact experiences? Mm-hmm. That just shows the agenda that David Jacobs has. Secondly, mm-hmm. David Jacobs would take the people that come through their door, and then what he would do is he would hypnotically regress these people. Okay? Mm-hmm. We have no hypnotic regression in our study. Okay? Mm-hmm. Mm-hmm. And if you've had a negative experience, you're going to go to David Jacobs because you know he's going to give you the type of feedback and results that you mm-hmm. want to maintain mm-hmm. that perception. Okay, so again, to ask the audience members, how could you trust someone that has publicly stated that he has never heard of a positive ET contact experience? Can you trust mm-hmm. someone? Thank you, Ray. Donc, Olivier, là, Ray nous donne son point de vue précis, professionnel sur David Jacobs. Il nous dit qu'on ne peut pas donner crédit au travail de David Jacobs parce que dans tout le travail de David Jacobs, dans ses livres successifs jusqu'à ces derniers, à aucun moment David Jacobs ne présente ou ne rencontre d'un experiencer, d'un contact rapproché qui a été positif, qui ait été positif. Tous les témoignages des personnes qui ont été décrites par Jacobs, on a eu des expériences négatives. Et à ce moment-là, nous dit, dans ces conditions, nous dit Ray, on ne peut pas faire confiance à un tel chercheur parce que voilà, c'est excessif. Et par ailleurs, il nous dit que David Jacobs ne donne que des témoignages dans lesquels les témoignages sont donnés par régression hypnotique. Et, Go ahead. Par régression hypnotique et que suggère que les résultats sont également faussés. Et lorsqu'il a dit que si vous voulez avoir un témoignage négatif, eh bien, adressez-vous à David Jacobs. C'est-à-dire que les gens vont le voir quand ils ont envie d'entendre quelque chose de négatif et ça sortira de la régression hypnotique. on a compris qu'il n'était pas, n'était pas ami avec David Jacobs. Oui, j'ai compris. Voilà, cette émission s'arrête ici car Robert Davis était attendu pour un autre rendez-vous. Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter le site internet de ce chercheur à l'adresse suivante: The UFO Phenomenon, donc The UFO Phenomenon, tout attaché, .com. Enfin, pour terminer, ce qui fait la force de cette émission que j'ai voulu totalement gratuite, c'est que vous avez le choix ou non de faire un don tout simplement pour qu'UFO Conscience continue à exister. Donc si cette émission vous a plu, cliquez sur le lien dans la description en dessous de la vidéo dans l'intitulé « Soutenez UFO Conscience en faisant un don » tout simplement. Je vous dis à bientôt et encore merci pour ceux qui ont laissé la pub sans l'ignorer car c'est important et c'est d'ailleurs déjà très bien d'agir en ce sens si vous ne pouvez pas faire de don. Donc un grand merci.